Voilà, frères et sœurs, à travers ces signes étonnants et ces signes puissants qui sont accordés à ceux qui deviennent croyants, nous avons un avant-goût de la victoire du Christ. Ils chasseront les esprits mauvais, ils parleront un langage nouveau, prendront des serpents dans leurs mains. S'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades pour les guérir. Frères et sœurs, aujourd'hui, en cette fête de l'Ascension, oui, s'inaugure la victoire du Christ, ce royaume nouveau dans lequel le Christ entre en gloire, qui n'est pas un royaume éloigné de nous, mais qui est un royaume qui déjà aujourd'hui se réalise. Oui, déjà aujourd'hui, cette victoire sur le mal et sur la mort se déploie. Et c'est étonnant, parce que nous sommes, nous, tellement attachés à ce monde. Nous sommes tellement désireux de nous réaliser, de nous épanouir, de trouver le bonheur parfait ici-bas. Pourtant, nous savons bien que le mal et la mort sont là aussi dans cette vie. Ils font partie de la réalité que nous vivons aujourd'hui. Et la victoire, si elle se déploie aujourd'hui, elle sera éclatante et définitive au jour où nous aussi, nous rentrerons dans ce royaume, au jour où le Christ au ciel nous accueillera. Et c'est exigeant pour nous, c'est vrai, de comprendre que ce royaume, il est déjà là sans être tout à fait là. Il y a une tension dans notre vie chrétienne. Nous désirons ce règne profond, nous désirons ce règne de justice déjà aujourd'hui, mais il n'est pas encore tout à fait là. Et nous le goûtons chaque jour de notre vie. Nous goûtons chaque jour de notre vie qu'il y a un combat à mener. Et la mission que les apôtres sont appelés à réaliser, eh bien c'est précisément, ils sont envoyés annoncer à travers toute la terre, à toutes les nations, la bonne nouvelle de la victoire. La bonne nouvelle de la victoire du Christ sur la mort et sa montée dans les cieux pour inaugurer ce royaume. Ils sont autrement dit invités, ces disciples, ces apôtres, à donner au monde un outil, une arme par la foi. Une arme pour combattre le mal, pour combattre la mort, qui sont encore la condition de la vie présente. Cet évangile nous donne l'occasion ce soir de parler d'un dernier des dons de l'Esprit-Saint, le dernier des sept dont nous n'avons pas encore parlé, le don de force. Ce don de force qui est une confiance, qui est un courage surhumain pour accomplir de grandes choses pour Dieu, pour surmonter des périls et toutes sortes d'obstacles et endurer tous les genres de douleurs. Le don de force est un don, frères et sœurs, dont nous avons vraiment besoin aujourd'hui. Il nous donne trois forces particulières, ce don. On peut le décliner sous trois de ses effets. Il donne d'abord un héroïsme dans le combat. Sans dramatiser, nous le disions, nous vivons un combat. Parfois, on veut nous faire croire que nous vivons dans un monde où tout va bien, mais nous devons constater, force est de constater qu'il y a un combat quotidien et que la justice et la paix ne règnent parfois pas davantage dans nos cœurs que dans le monde. Parce qu'il y en a un qui n'est pas intéressé par cette justice et cette paix. C'est le mal qui nous attaque personnellement, qui attaque aussi la société, les sociétés humaines. Combien de défis avons-nous à relever, frères et sœurs, dans notre quotidien? Des obstacles dans notre vie, des blessures, des difficultés professionnelles, parfois, ou dans notre état de vie, dans notre mariage. Combien parfois nous avons ce combat à relever avec héroïsme? Nous sentons que cela dépasse nos forces. Nous sentons que les situations dans lesquelles nous sommes plongés, les vallées de la mort ou les ténèbres dans lesquelles nous sommes plongés, font appel à une force qui nous dépasse, qui vient de plus loin que nous-mêmes. Nous n'en sommes pas capables. Eh bien, frères et sœurs, l'héroïsme dans le combat, il est à demander à travers le don de force. Le don de force a un deuxième effet, c'est que il nous donne un certain héroïsme dans l'action. Nous sommes dans une société, dans un monde aujourd'hui qui agit beaucoup, qui est très dynamique. Mais le moteur de l'action, c'est l'amour. Combien il est difficile d'aimer. Combien il est parfois héroïque d'aimer. D'aimer ceux qui nous blessent. D'aimer ceux qui nous font souffrir. Parfois nos proches, dans notre propre famille, ceux qui nous ont blessés. Combien il est difficile aussi parfois d'aimer un monde dont parfois nous sentons l'hostilité, le monde dans lequel nous vivons. Comment trouver le zèle pour annoncer cette bonne nouvelle de la victoire de Jésus à un monde qui ne le cherche plus, qui ne le connaît plus, parfois qui lui est hostile. Frères et sœurs, cela demande là encore de l'héroïsme. Et nous sentons que cela dépasse nos forces humaines. Enfin, qui parle de combat, qui parle d'action, parle de souffrance. Oui, notre vie est parfois chahutée, abîmée, maganée, et nous devons endurer. Combien il est difficile d'endurer le cumul de ces blessures, de ces souffrances liées à l'âge, à la maladie, parfois aux blessures psychologiques, aux difficultés à pardonner, ce qui nous blesse encore davantage. Combien nous avons besoin, frères et sœurs, encore une fois, de ce don, parce que cela dépasse nos seules forces humaines. La bonne nouvelle, frères et sœurs, c'est que ce don nous est donné si nous le demandons. Si nous demandons le don de force, frères et sœurs, le Seigneur ne nous le refuse pas. Et il y a quatre sources du don de force. La première source, c'est un principe de réalité, reconnaître que nous sommes impuissants. Combien c'est difficile de reconnaître notre impuissance, de reconnaître que nous ne sommes pas capables, que nous sommes trop faibles pour faire face à certaines situations de nos vies. Combien c'est difficile. Mais parfois, il n'y a pas d'autre issue. Mais combien c'est encore plus difficile dans l'impuissance de faire confiance à Dieu. Nous préférerions quand même y arriver par nous-mêmes. On préférerait quand même si on est impuissant à le faire. Et pourtant, dans cette impuissance, le Seigneur nous demande de nous tourner vers Lui. Frères et sœurs, voilà la première source. Gardons dans notre vie ce sentiment de notre impuissance mêlé à une grande confiance en Dieu, parce que là où nous ne pouvons plus rien, là où la vertu de force a atteint ses limites, c'est le don de force qui entre en jeu, qui s'appuie sur notre vertu, mais qui déploie de nouvelles énergies. Deuxième source, frères et sœurs, après ce sentiment de notre impuissance, c'est la prière, je le disais. Demandons avec insistance, sans cesse, de manière renouvelée, ce don de force dont nous avons cruellement besoin. Osons supplier Dieu de nous l'envoyer. Parfois, notre prière est automatique, on pense qu'en le disant une fois, comme quand on presse sur la touche Enter sur notre clavier, on a l'impression que ça y est, ça va se réaliser. Mais le Seigneur attend que par notre prière, nous rentrions dans son désir à Lui. Que notre désir de goûter à ce don de force se mêle au Sien. Et ça se fait avec du temps, avec une prière insistante, une prière continue, une prière persévérante. Donc, un, le sentiment de notre impuissance. Deux, la prière. Trois, l'Eucharistie. L'Eucharistie à laquelle nous voulons participer ce soir, nous sommes rassemblés pour communier au pain des forts. Voilà une expression traditionnelle pour exprimer ce qu'est le corps du Christ, le pain des forts. Non pas parce que c'est seulement les forts qui peuvent y goûter, mais parce que c'est le pain qui rend fort. Frères et sœurs, nous goûtons chaque dimanche, même en semaine si nous le souhaitons, à cette force de l'amour inconditionnel de Dieu. Le sacrement de l'amour nous est donné dans le sacrement de l'Eucharistie. Qui de nous n'a jamais goûté à cette énergie que nous donne le sentiment d'être aimé? Et le pain des forts, frères et sœurs, nous est accordé ce soir pour que nous goûtions à cet amour indéfectible de Dieu et que nous ressentions ces énergies, cette énergie nouvelle dans notre vie qui vient de Lui. Donc, sentiment de notre impuissance, la prière, l'Eucharistie. Et enfin, frères et sœurs, une source toute simple. La fidélité dans les petites choses. Soyons fidèles, frères et sœurs, à nos petits engagements. les petits engagements du quotidien. Jésus nous le dit dans l'évangile de Saint Luc, celui qui est fidèle dans de petites choses est aussi fidèle dans les grandes. Celui qui est fidèle en petites choses a la force de l'être aussi dans les grandes. Autrement dit, nous sommes invités dès maintenant à travailler la vertu de force, c'est-à-dire à nous habituer à la fidélité dans le petit du quotidien, dans les petits engagements que l'on prend chaque jour. Parfois, il s'agit aussi simplement de supporter les désagréments du quotidien, mais y rester fidèle à ces décisions que nous prenons, que notre oui soit oui, que nous ne fuyons pas les engagements que nous prenons. Et alors, l'Évangile s'accomplit. À qui est fidèle en peu de choses, de grandes choses seront confiées. À celui qui a la vertu de force ancrée dans son cœur, le don de force vient atterrir. Le don de force vient le remplir, le combler, surabonder en lui. Mais il faut cette base de la vertu de force pour que le don puisse s'exprimer. Alors, frères et sœurs, maintenant, en concluant cette homélie, je nous invite à un petit exercice de mémoire. Remémorons-nous une épreuve, une vallée peut-être dans laquelle nous avons été plongés au cours de notre histoire, vous savez, un ravin dans lequel nous avons été plongés et où peut-être nous nous sommes sentis un temps seuls et abandonnés de Dieu. Et goûtons, malgré tout, dans ce sentiment de solitude, à ce que nous avons tout de même gardé le cap. Nous en sommes sortis. Nous sommes sortis de cette vallée, de ce ravin des ténèbres et de l'ombre de la mort. Et goûtons, frères et sœurs, combien dans le secret, ce n'était pas par nos forces que nous y sommes parvenus, mais c'est par le don de force, le don discret, parfois insensible, de force, qui est venu nous tirer de là et nous permettre de garder le cap. Prenons quelques minutes, frères et sœurs, pour goûter à ce don qui nous a déjà été fait.